Louer. Il est vivant, vivant, Jésus-Christ. Loué, loué, loué, loué. En effet, j'ai reconnu que l'Éternel est roi et que sa miséricorde durera toujours. En effet, j'ai reconnu que l'Éternel est ma loi et que sa miséricorde durera toujours. J'ai contracté une alliance avec le Saint d'Israël. Mets ton joug à mon cou, je te suivrai partout, car ta fidélité. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité. Il répand sa puissance là où règne la misère et donne aux cœurs brisés la force de tout recommencer. totele ma peto kumi sa zambe mpua bongi na lokumu Robi na kawapi tele ma tokumi sa Yesu Sabango Makambo asalelinga otika na kumisa Yesu Asalelinga otika na tombola Yesu Machola kanga atambolinga mbe monani Obotika na binela Yesu Obotika na kumisa nzambo yo Botika na sanjula nzambo yo Elangana yaswa basali basali muke Baselangana nzambe yangwe jali monene Elangana Yesu yangwe jali monene Oya kokote baba nzambe akopambola mama